Exemple numéro 4, Le cheval qui pleure, 1970. C'est le tigre. C'est le cheval. C'est le canard. Qu'est-ce que c'est? C'est le tigre. Qu'est-ce que c'est? C'est le cheval. Qu'est-ce que c'est? C'est le canard. Répondez aux questions. Qu'est-ce que c'est? C'est le tigre. Qu'est-ce que c'est? C'est le cheval. Qu'est-ce que c'est? C'est le canard. Le tigre mange. Le cheval pleure. Le canard chante. Le tigre mange. Oui, il mange. Le cheval pleure. Oui, il pleure. Le canard chante. Oui, il chante. Répondez aux questions. Le tigre mange. Oui, il mange. Le cheval pleure. Oui, il pleure. Le canard chante. Oui, il chante. Que fait le tigre? Il mange. Que fait le cheval? Il pleure. Que fait le canard? Il chante. C'est le tigre qui mange? Oui, c'est le tigre qui mange. C'est le cheval qui pleure? Oui, c'est le cheval qui pleure. C'est le canard qui chante? Oui, c'est le canard qui chante. Répondez aux questions. C'est le tigre qui mange? Oui, c'est le tigre qui mange. C'est le cheval qui pleure? Oui, c'est le cheval qui pleure. C'est le canard qui chante? Oui, c'est le canard qui chante. C'est le tigre ou le cheval qui pleure? C'est le cheval qui pleure. C'est le canard ou le tigre qui mange? C'est le tigre qui mange. C'est le cheval ou le canard qui chante? C'est le canard qui chante. Répondez aux questions. C'est le tigre ou le cheval qui pleure? C'est le cheval qui pleure. C'est le canard ou le tigre qui mange? C'est le tigre qui mange. C'est le cheval ou le canard qui chante? C'est le canard qui chante. Qu'est-ce que c'est? C'est le cheval qui pleure. Qu'est-ce que c'est? C'est le canard qui chante. Qu'est-ce que c'est? C'est le tigre qui mange. Répondez aux questions. Qu'est-ce que c'est? C'est le cheval qui pleure. Qu'est-ce que c'est? C'est le canard qui chante. Qu'est-ce que c'est? C'est le tigre qui mange. C'est le tigre qui mange, c'est le tigre qui mange. C'est le cheval qui pleure, c'est le cheval qui pleure. C'est le canard qui chante, c'est le canard qui chante. C'est le cheval qui chante, non, non, non, c'est le canard. C'est le canard qui mange, non, non, non, c'est le tigre. C'est le tigre qui pleure, non, non, non, c'est le cheval qui pleure.